Chapitre 21e. Madame Bougeonnier, Madame Clémence, comme on l'appelait à Rudemont, en simplifiant son nom, voulait avant tout obtenir l'amitié de Denise. Quand une institutrice se propose ce but, il arrive quelquefois qu'elle emploie un moyen simple et facile. Elle laisse son élève libre de faire ce que bon lui semble et ne lui impose aucune contrainte ni aucune règle. Si l'enfant est paresseux, il paye, par une certaine affection, la faiblesse qu'on a pour lui. Une pareille méthode n'eût pas réussi avec Denise, et Madame Clémence était trop fine et trop perspicace pour l'employer. Il ne lui avait pas fallu bien des heures pour juger son élève et voir clairement que ce n'était plus une enfant qui regarde comme du temps gagné le temps qu'on perd. Il était évident que Denise était honteuse de son ignorance et qu'elle était décidée à n'épargner ni son temps ni sa peine pour apprendre ce qu'elle ne savait pas. Il y avait là pour elle une question d'amour-propre à laquelle elle paraissait très sensible, et d'un autre côté, il y avait une question de gratitude qui la touchait plus vivement encore peut-être. C'était par l'assiduité au travail qu'elle voulait prouver à son parrain combien elle était reconnaissante de ce qu'il faisait pour elle. Quand elle avait demandé qu'on la fît travailler aussi souvent et aussi longtemps qu'il serait possible, elle n'avait point exprimé tout haut les raisons qui la déterminaient, car il y avait en elle une certaine réserve difficile à vaincre. Mais Clémence savait parfaitement démêler ses raisons, et c'était d'après elle qu'elle avait arrangé sa ligne de conduite. Dès le lendemain de leur installation, le matin, comme 6 heures sonnaient à l'horloge, elle était entrée dans la chambre de Denise. Celle-ci dormait encore. Doucement, elle l'avait appelée, et au second appel, Denise était vivement assise sur son lit. « Que faut-il faire? Vous éveillez. » Denise avait rapidement passé sa main sur ses yeux gonflés, puis, souriant à son institutrice, « Me voici éveillée, » avait-elle dit. « Je suis heureuse de voir que vous avez le réveil rapide et joyeux. C'est celui des personnes qui ont bonne santé et bon caractère. Cela ne vous gênera donc pas de vous éveiller tous les jours à 6 heures. Plus tôt, si vous voulez. Non, c'est assez. Monsieur le marquis désire que nous passions les soirées avec lui jusqu'à 10 heures. De 10 heures du soir à 6 heures du matin, cela nous donnera 8 heures de sommeil. C'est largement ce qui est nécessaire pour une jeune fille de votre âge. À 6 heures donc, nous nous lèverons. Si je vous juge bien, vous souffrez de ne pas avoir pu travailler davantage dans votre pension. Et vous êtes décidé à ne pas vous ménager pour gagner le temps perdu. Je ferai pour cela tout ce que vous voudrez. Et vous le ferez courageusement, j'en suis certaine. D'abord, parce qu'étant une grande jeune fille pour l'âge et la beauté, il vous déplaît de n'être qu'une enfant pour l'instruction. Et puis ensuite, parce que comme vous êtes un brave petit cœur, vous voulez prouver à votre parrain que vous êtes pleine de reconnaissance pour ce qu'il fait pour vous. En entendant son institutrice exprimer ce qu'elle pensait, et donner une forme précise au sentiment indécis qui s'agitait confusément en elle, Denise fut vivement émue. Glissant du lit avec la rapidité et la simplicité d'un enfant, elle vint à elle et lui jetant les bras autour du cou. « Voulez-vous me permettre de vous embrasser ?» Bien que Clémence s'attendît jusqu'à un certain point à un effet d'émotion, car elle savait par expérience combien était puissante la tactique oratoire qu'elle venait d'employer, elle fut cependant surprise par cet élan de tendresse. Décidément, se dit-elle, la petite est sentimentale et expansive. Mais cette réflexion, elle la fit bien entendu tout bas. Tout haut, elle tint un autre langage. Ce sera la plus douce récompense de mes efforts que ces témoignages d'amitié. Quand vous serez contente de moi, montrez-le donc de cette manière. Je dois être votre maîtresse. Et vous ne devez jamais oublier que vous êtes mon élève. Mais l'amitié ne doit pas être nécessairement exclue de nos relations. Parce que je vous aimerais, je n'en serai pas moins exacte et rigoureuse dans mes devoirs envers vous, et vous, j'en suis certaine, vous ne le serez pas moins dans vos devoirs envers moi. » Puis, après ce petit discours alambiqué, elle embrassa Denis sur le front, et alors, continuant, « Il est donc entendu que vous vous lèverez tous les jours à 6 heures, et sans attendre que je vous éveille. Il est bon de prendre l'habitude de faire spontanément ce qu'on doit. Vous donnerez 1 heure à votre toilette. » « Il ne me faut pas 1 heure. » « À la pension, 1 heure ne vous était pas nécessaire, je le comprends. Mais ici, vous n'êtes plus à la pension. Vous n'êtes plus une petite fille qui peut boutonner son corsage de 2 en 2 boutons et qui arrange ses cheveux en 1 tour de main. Vous êtes une jeune fille. Il ne faut pas plus l'oublier pour la tenue que pour le travail. Croyez-vous que monsieur le marquis serait content s'il vous trouvait négligé dans votre toilette? C'est à lui que vous devez penser, c'est à lui plaire que vous devez vous attacher. Que dois-je faire? Je vous le dirai, je vous guiderai. Pour le moment, il est convenable que vous portiez vos cheveux simplement retroussés comme ils le sont. Mais dans quelques mois, je vous apprendrai à les arranger en vous coiffant à votre avantage. Vous avez de beaux cheveux, il faut les montrer. Vous avez aussi une jolie main, rouge. Elle blanchira trop tôt. Ce qui est un défaut à vos yeux est un charme pour ceux qui connaissent la marche de la vie. C'est votre sang de 15 ans qui lui donne cette rougeur. C'est votre santé et votre force. Quand cette main aura perdu les marques du travail matériel qu'on vous a posé à Château-Chinon, et quand vos ongles seront coupés d'une certaine façon que je vous indiquerai, elle sera charmante, vous pouvez m'en croire. » Pendant que Clémence parlait ainsi, Denise avait passé un peignoir de laine blanche et debout au milieu de la chambre, les cheveux ébouriffés, elle écoutait attentivement son institutrice. « Votre toilette achevée, » continua celle-ci, « vous m'appellerez pour que je vienne vous faire subir une inspection rigoureuse et mettre en ordre ce qui aura été mal fait. Puis nous commencerons notre travail qui durera jusqu'à 11 heures. Vous verrez ce qu'on peut apprendre en 4 heures bien employées. Tout d'abord, vous apprendrez pendant ces 4 heures une chose capitale et près de laquelle le reste n'est rien. Je veux dire la force d'application, l'attention de toutes les facultés intellectuelles sur un seul point. Je crois que dans les commencements, vous aurez du mal, car si je ne me trompe, vous êtes un peu une nature de papillon, et votre esprit voltige légèrement de ci de là en zigzag. Mais avec de la bonne volonté, nous y arriverons sans doute. Je tâcherai. » À 11 heures, nous descendrons déjeuner, car bien que M. le Marquis nous ait donné la permission de nous faire servir dans notre appartement, je crois qu'il vaut mieux que nous fassions acte de présence à la table commune. Vous ne devez perdre qu'une occasion de vous rapprocher de M. le Marquis et de tâcher de lui plaire. Lorsque vous le verrez entrer, vous irez vivement au-devant de lui et vous l'embrasserez. « Je n'en serai jamais. » Et puis, ajouta-t-elle en souriant, « il est si grand, je ne pourrai pas. Il se baissera jusqu'à vous et avec plaisir, soyez-en certaine. Vous tendrez la main à Mme Méraud, vous la tendrez aussi à M. de Carquebeu. Mais vous ne vous laisserez jamais embrasser par ce dernier, alors même qu'il vous appellerait ma chère fille. Pendant le déjeuner, vous tâcherez de prendre part à la conversation. Surtout, vous répondrez à M. le Marquis, et en lui parlant, vous le regarderez. Après le déjeuner, nous sortirons toutes les deux à pied ou en voiture, selon le temps. À 2 heures, nous reprendrons notre travail jusqu'à 5, et alors nous attendrons la visite de M. le Marquis, prête à lui faire passer le plus agréablement possible le temps qu'il nous donnera. Pour le dîner, vous ferez toilette et pendant la soirée, vous vous appliquerez à plaire à Monsieur le Marquis. « Mais comment ?» demanda Denise, effrayée de cette obligation de plaire qui revenait à chaque instant dans les recommandations de son institutrice. « Je n'en sais rien encore, mais je chercherai, et pour cela aussi je vous guiderai. Maintenant habillez-vous, je vous prie. À 7 heures, je reviendrai. » À 7 heures, Denise se trouva prête. Jamais elle n'avait passé tant de temps à sa toilette, jamais elle ne lui avait donné tant de soins. Il est vrai que le lavabo en marbre blanc, les fines éponges, le linge parfumé, les brosses, les flacons et les 1000 attirails de la toilette qui meublaient son cabinet, n'avaient aucun rapport avec le baquet et le petit pot de savon noir dont elle se servait chez Mademoiselle Davin. Comme le dernier coup de 7 heures sonnait, Clémence entra chez son élève et longuement elle l'examina, depuis les pieds jusqu'au bout des doigts. « C'est bien, » dit-elle. « Seulement les cheveux seront mieux ainsi. » Et en un tour de main, elle défit les torsades blondes et les releva sur le haut de la tête, en découvrant ainsi la naissance du cou. Ce rien suffit pour changer la physionomie de Denise. L'enfant fut transformé en une jeune fille. « Maintenant, travaillons, » dit Clémence. « Avec quoi ? Nous n'avons ni livre ni papier. »« Voilà qui nous suffit pour aujourd'hui, » dit Clémence, prenant un vieux journal. « Vous allez me lire haut, ce journal. Savez-vous lire haut ? Non. Eh bien, vous allez apprendre. » J'ai cru remarquer que M. le Marquis n'avait pas de très bons yeux. Il lui sera agréable, sans doute, que vous lisiez le journal. Mais il faut que vous puissiez le faire d'une façon intelligente. En tout, nos leçons doivent avoir le but que je vous ai indiqué. Elles doivent vous enseigner à plaire à votre parrain. Dans la vie, mon enfant, tout est là. Plaire à ceux qui nous aiment et les rendre heureux. Pendant 4 heures, Denise lut et relut le journal, recevant une leçon pour bien lire l'article de fond, une pour les faits divers, une autre pour le feuilleton. L'institutrice était une lectrice remarquable, elle fit comprendre à son élève, par la démonstration, ce qu'était la lecture à haute voix. Quand elles descendirent pour le déjeuner, Denise, émue et hésitante, alla au-devant de son parrain et se haussa sur la pointe des pieds pour l'embrasser. Comme Clémence l'avait prévu, le marquis se baissa et tendrement il l'embrassa. Puis s'éloignant d'elle de quelques pas, il la regarda pendant plusieurs secondes. Alors, se tournant à demi vers l'institutrice avec un sourire de satisfaction. « Bien, dit-il. Monsieur de Carquebus s'avançait, les bras ouverts, pour embrasser Denise à son tour, mais celle-ci l'arrêta en lui tendant la main. « Bonjour, monsieur, dit-elle. Avez-vous passé une bonne nuit ?» Voyant cela, le marquis se mit à rire silencieusement. « Vous n'avez pas perdu votre temps, dit-il à l'institutrice. Je vous remercie. »